loco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Si c'est la reste, ne me laisse pas. J't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Si c'est la reste, ne me laisse pas. Motivé, on monte une équipe. Dans les pubs piqués du liquide. Pour what tu prends 10 piges. Donc pour one tu prends 10 piges. Ta mère c'est ma mère et ta soeur c'est ma soeur. Je veux t'éloigner des galères, moi je te souhaite que du bonheur. On a tout fait ensemble. Donc le premier qui fait le con, on va le réduire ensemble. Et t'inquiète pas, je gère tout. Si jamais tu finis au star, c'est nous contre eux tous. Et on n'a pas les mêmes guitares. Quand tu pleures, je pleure aussi. Poto c'est la merde. T'es bien plus qu'un ami, t'es le son de la veine. Si tu sautes, je saute aussi. Même s'ils sont sept, je reviendrai avec une arme à fusion père. Merde, j't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Si c'est la reste, ne me laisse pas. J't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Si c'est la reste, ne me laisse pas. J'me rabaisserai jamais de von Schneckzer, mon ref. Et si moi je suis la carrosse, poto, t'es le moteur. Y'a quelques peines de cœur. Y'a zéro trou dans les gros potos, c'est carré. Si ton petit frère décolle, je lui mets deux balles dans sa bouche. Je me rappelle des fois avec l'équipe à Saint-Loup. Dis-moi on va où, dis-moi qui manque de respect. J'en oublie même que j'aurais pu y rester. Mais trop de stories sales, peux pas tout raconter. C'était la guérilla, il fallait s'armer. Dégainer les balles du barillet pour les calmer. C'est pas le parquet, il va nous séparer. Dégainer les balles du barillet pour les calmer. C'est pas le papier qui va nous séparer. J't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Si c'est la reste, ne me laisse pas. J't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Si c'est la reste, ne me laisse pas. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah. Haha. bien joué, tu m'as devancé. Yeah. Ça va ou quoi, Juju? Ça va et toi? Ouais. On est dans la 25e, comme d'hab, tous les jeudis, le petit rituel du jeudi soir sur Radio-Sud. On n'est pas en direct. Hein. On n'est pas en direct? Tu non. mens. On est différé là. Tu mens. Parce qu'on a un invité qui vient de New York. Donc, on a dû enregistrer ça ce matin. Mais ça, bon, ça y est, ça commence. Ouais, en vrai, il est 7h et puis le temps qu'il arrive, c'est ça? C'est avec ça, le décalage. Ça. Ok, ce soir, c'est l'émission spéciale Grazino. Ouais, est avec ouais. nous ce soir de 22 à 23. Et on fait quoi? Non, on arrête direct. Non, on n'arrête rien du tout. Moi, j'ai juste une petite question. Tu connais Gras? Ouais. Est-ce que Gras, c'est, enfin, est-ce que ton blaze Grazino, c'est en hommage à Gras? Non. Comme Ronaldinho, il a rendu hommage à Ronaldo. Non, toi, non. Tu t'es dit, ah, Gras, c'est mon gars sûr. Non, même pas. Même pas, je connaissais pas Gras. Ok. Bravo. Excuse-moi, je. Non, c'est vrai. Non, moi, j'ai rien préparé. Aujourd'hui, on m'a. On le connaît sous différents blazes. Vas-y. Ouais. Je te laisse. Yes. Donc, en fait, on a un petit rituel en début d'émission. Ouais. C'est avant de te poser des questions. On va te demander de faire un jingle. Donc en fait, je sais pas si tu as écouté, mais à chaque début d'émission, des fois dans l'émission, on met un petit jingle qu'on a fait. Donc Jounes, il va le balancer. Et dès que le jingle est terminé... On passe un bif aujourd'hui. C'est un DJ. J'ai des prestats. Tu vois, dès que le jingle est fini, toi, tu fais un petit truc, tu vois, un petit big up à l'émission. Et puis après, on se servira de tes voix pour faire d'autres jingles. Vas-y, ça marche. T'es prêt, Juju? Ouais, je peux t'envoyer ça, hein, salé, sucré, sauce nem. Nyokmam. Vas-y. Radio Sud. La 25e, Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ouais, ouais, c'est Gradzino. Écoutez-moi sur 101.8 Radio Sud, l'émission la 25e. Oh, okay. Ok, putain, one shot. Zama, écoutez-moi. Écoutez-moi, retrouvez-moi. Retrouvez-moi, si, si. Bien joué, bien joué. Alors, Gradzino, avant de commencer l'interview, oui, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, Gradzino, il a décidé de faire 30 minutes de freestyle. Oh, donc, ben, on va. Ben, ben. Il fait comme chez lui. 25-30. Donc, on va un peu écourter l'interview, comme ça on lui laissera un peu le temps de kicker. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on te retrouve, si je veux te retrouver, je sais pas, sur YouTube, sur Snapchat, Insta, ouais, ça. C'est tout pareil, YouTube, Insta, Snap, Gradzino25. Ok. Tout attaché. Donc, comment G-R-A-2-Z-I-N-O. Ok. Pas des Z. Deux Z. Et je t'ai vu sortir ton maillot, ton drapeau, tout ça. Yeah, tu vois. Non, tranquille. Ok, donc Gradzino25, yes, sur tous les réseaux. Ouais, ouais. Et tu rappes depuis quand alors? Oh, ça fait longtemps. Ouais. Ouais. En vrai, depuis... 1998. Ça, c'est ma date de naissance. Ah, j'ai rappé depuis le berceau. Non, en vrai, depuis, je sais pas, depuis mes 10 ans, je pense. Depuis tes 10 ans? Qu'est-ce que tu racontes à 10 ans? Bah, pas grand-chose. Ah, quand je réécoute, ouais, j'ai tu vois. Sucettes. C'est ça. Mais t'as quel âge déjà là? J'ai 20 ans là. 20 ans. Ouais, ouais. T'as 10 ans de rap. C'est ça. T'as presque autant de rap. La moitié. C'est ça. Ah ouais, quand même. Hein. Bah, en vrai, je vais enregistrer à Battant. Là, j'avais 12 ans, 13 ans. Où à Battant? Chez toi, là, chez toi. Ah ouais. Où à Battant? Il y avait un studio à Battant. Ah ouais. T'avais quoi, 12 ans? J'avais 12 ans, 13 ans. J'ai 20. C'est ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est ça. C'est ça en vrai. C'est la claque. Bad. Et j'ai un gosse aussi. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et parce que... Ouais, on parlait... Enfin, je demandais pour ton blaze parce que moi, j'ai pas l'habitude de t'appeler Gradzino, ouais, ouais, tu ouais. vois. Donc, ouais, avant, c'était Tocard, tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as changé? Est-ce que ouais, ouais. Peut-être que t'avais d'autres blazes avant Tocard aussi, je sais pas, tu vois. Non, en vrai, à la base, c'était Tocard parce qu'au collège, tu vois, on appelait en verlan, un truc comme ça, tu vois. Smart. Et mon nom de famille... C'est Quarto. Okay, donc même. Tu mets en verlan, Tocard, tu vois. C'est pas une raison. Mais en fait, tout le monde ici m'appelle Tocard, tout, tu vois. C'est. Tu vois, c'est juste pour le rap, j'ai changé, tu vois. Mais sinon, en vrai, non. Ta gueule, hein. Ouais, Et à l'autre Tocard, là. Tocard, ouais, toi, tu réponds, ouais. Ouais, en vrai, je vois. C'est moi, tiens, en vrai, ça choque même plus maintenant. C'est moi le Tocard, là. Tu foutes de ta gueule, tes gars, putain. Si, si, en vrai, ça choque même plus maintenant. Vous êtes des bâtards, les gars. Vous êtes des bâtards. Du coup, voilà. Et après, vas-y, j'ai changé, tu vois, pour le rap, tout ça. Après, j'ai rencontré. Mais en vrai, Tocard, les gens, ils retenaient grave. Bah ouais, qu'on retient. Tu vois, tu retiens grave. Moi, je t'appelle comme ça. Voilà, tu vois. Et que Gradzino, tu vois, les gens, ils peuvent oublier le blaze, tu vois. Mais bon, vas-y, c'est mieux Gradzino, tu vois, pour le moment, tu vois. Quand t'as envie de manger une pizza, tout ça. Voilà. Un peu pizzaiolo, un peu ton truc. Ouais. Grazie. Grazie. Venez manger des pizzas. Ouais, donc toi, t'es italien. Voilà, on ouais, va pas, ça, on ouais, va pas ouais. demander. Tu viens d'où en Italie? C'est Bari, en face de Naples, un petit peu. Ok. En Bretagne. Une c'est route, ça. une route Bari. Hey hey non, Bari White. Ouais, voilà. C'est voilà. Excusez-moi. Bari, donc, maman, c'était moi. L'Italie. Et pourquoi t'as changé de blaze en fait? C'était juste parce que. Je sais pas, parce qu'en fait, c'était Tocard. Après, c'était. Vas-y, Tocard, ça passait pas trop. Okay. Du coup, j'avais mis Tox. Tox, ça faisait Tox. Il est toxico, tu vois. Tu choisis bien tes blazes. Ouais, tu vois, c'était un peu. Tu vois. Et après, vas-y, j'ai dit Gradzino, tu vois, parce qu'il y a un joueur en Italie. Il s'appelle Gradzino Pelé. Ouais, ok. Tu vois. Ah. Du coup, j'ai dit, vas-y, ça colle bien, tout ça. Gradzino, voilà. Gradzino Pelé. Ok, voilà. D'accord. Yes. Ça vient de là. Sa meuf est fraîche, hein. Enfin bref. Ouais. C'est un aparté. Info. Ok. Ben moi, ce que je te propose, c'est qu'on te découvre, mais du coup, sous le blaze de Tocard. Ouais. C'était la mèche du roi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du son est-ce que tu l'as fait à peu près? Je l'ai fait. 2016, ouais, bah voilà. Voilà tu vois, je l'ai fait en 2016. Ok. Je crois que c'était chez vous, je sais pas où. C'était dans votre studio, mais. C'était pas battant. C'était Clair Soleil. Okay. Tu vois, c'était là-bas. Si. On avait enregistré le son. Le lendemain, je partais à Agadir. Ok. Donc, le son. J'ai contact à Agadir. Voilà, c'est ça, c'est dans le son, tu vois. Du coup, je partais à Agadir et puis je suis parti avec ma famille, tu vois. Et du coup, j'ai dit à ma petite sœur, vas-y, filme-moi, tu vois, on va essayer de faire le clip, tout, pour exclu rigoler. Mondial. Et sa petite sœur qui te... si. Avec un iPhone 5C, la même, débrouille, si tu veux la débrouille, la débrouille. Et du coup, voilà, elle m'a filmé et tout, je savais pas, tu vois, je savais pas ce que ça allait rendre. J'ai dit à LM, avec qui j'étais avant, et tout, etc., tu vois, gros big up à lui, s'il écoute. Et du coup, c'est lui qui a fait les montages du clip, truc comme ça, tu vois. Ouais. Moi, c'est un peu à l'arrache, mais ça va, tu vois. Ouais, voilà, tu fais comme tu peux aussi. Voilà, c'est ça, tu vois, j'étais petit, tout ça, c'était. Voilà. Ça va. Y a ça pire. Va. Il y a pire. J'ai vu pire dans tes vidéos. Dans mes vidéos. Il a fouillé quand même. Ah bah, même, je pas, sais. Même pas. Moi, même on m'a dit de rien faire. J'ai rien fait. Là, je suis. C'est en roue libre. On sait pas ce qui va se passer. Au moins, ça fait. Tu vois, il y a les preuves que ça fait longtemps que je rappe. Faut laisser. Si, si. Donc c'est Tocard, la Mèche du Roi, émission la 25e, 22h minuit, émission spéciale Grazino. Pourquoi la Mèche du Roi? Ah ah ah, yeah yeah yeah yeah. J'ai la mèche. Mélange le sky, le shit, les plaintes. Je veux la recette, ouais, je veux du pif. Ils parlent de jack, de shit, de gun. Je suis ailleurs, pas dans leur kiff. Laisse les parler, ils font ce qu'ils veulent. On vient du checks, on se fait la bise. Vous êtes dans la zone, j'y caprison. Servez-vous, les gars, c'est la mif. Wesh, le gang, ça dit quoi? Toujours en marche de la société. Je suis dans l'avion, complètement pété. Je prévois des clips pour cet été. Le cerveau plein d'idées. Je veux ma paye, partir loin d'ici, ma belle. Mais pour l'instant, je suis bloqué à la ruche comme une abeille. Autant, je suis dans. Ma chambre enfermée, je rêve d'ailleurs, je veux péter des grosses sommes sur un joli Pfizer. Mes potos, c'est qu'un rêve et du thème, je m'écarte, petit abat, Alpha Gear, je suis posé au JK. Viens pas nous tester, escrocs, non nous approche pas si je fais les généraux, c'est pour ma loca. Péter, je regarde là-haut, je repense à papa si je veux le trône. Chico, j'ai la mèche du roi, viens pas nous tester, escrocs. N'en nous approche pas si je fais les généraux. C'est pour ma loca pété. Je regarde là-haut, je repense à papa si je veux le trône. Chico, j'ai la mèche du roi. Mélange le sky, le shit, les blunts, des gros couplets, ouais gros je kiffe. J'ai mal leurs yeux, je vois ils ont le seum. Depuis je débarque, mec je fais la gif. Chicha, obji capricem. J'ai des contacts à Agadir. Sans papa j'ai dû me faire seul. Et à maman je suis attentif. Car comme moi elle a mal, mais elle veut pas trop le montrer. Et ouais son cœur est bien brisé, parce que papa fait que lui manquer. Et mon rey, sache que si pour toi c'est pareil, je t'apporte mon soutien. Y'a que les mauvais qui iront pas au ciel. Poto, je suis dans ma chambre enfermée. Je rêve d'ailleurs, je veux péter des grosses sommes sur un joli Pfizer. Mes potos, c'est qu'un rêve et du thème. Je m'écarte, petit tabac, Alpha Gear, je suis posé au Tchekar. Viens pas nous tester, escrocs, non nous approche pas si je fais les généraux. C'est pour ma loca. Péter, je regarde là-haut, je repense à papa si je veux le trône. Chico, j'ai la mèche du roi, viens pas nous tester, escrocs, non nous approche pas si je fais les généraux. C'est pour ma loca. Péter, je regarde là-haut, je repense à papa si je veux le trône. Chico, j'ai la mèche du roi. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. La mèche du roi sponsorisée par Barbershop. Bang. Le pénitencier maintenant, attention. Ouais, ouais, ouais. Pénitencier. By c'est L'Oréal. Ça. Ok, c'est ça. Donc ça, est-ce que... Non, on le considère pas comme ton premier son en fait. Celui-là. Non. C'était déjà bien. Ouais, j'avais déjà fait plein de sons avant, mais okay. Vas-y, celui-là, c'est celui où j'ai fait vraiment un clip. Tu vois, j'ai appris un peu plus de temps, on va dire. Tu vois. Ok. Alors moi, j'avais plusieurs questions par rapport à un peu ton point de vue. Des fois, je vais te poser peut-être des questions sur des anecdotes, ouais, des choses comme ça. Si. Qu'est-ce qui t'a poussé entre guillemets à faire du rap? Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce que autour de toi t'avais des gens qui rappaient? T'as voulu faire un peu comme ça? Est-ce que c'est venu de toi-même? Est-ce que tu vois? Ouais, ouais. Bah, en fait, j'écrivais des textes, tu vois, depuis tout petit, trucs comme ça. Ok. Tu vois, mais c'était plus même des poésies en vrai. Tu vois. Ouais, t'écrivais comme ça. Ouais, quoi. Comme ça. Ouais. Tu vois, ouais, je passais le temps. Tu vois, j'aimais bien. Tu vois, trouver des rimes, tout. Et après, moi, je faisais du breakdance avant, tu vois. Okay. Et je faisais avec LM. D'accord. Et LM, lui, il a commencé... En fait, lui, il a acheté un petit studio, truc comme ça. Et puis, il m'a dit qu'il écrivait des sons, truc comme ça, tu vois. Du coup, j'ai dit, oh, regarde, moi, je fais ça, tout, t'aimes bien, tout. Et vas-y, ça a commencé comme ça, tu vois. Yes. Donc, après, on faisait studio chez lui, truc comme ça, tu vois. Mais c'était vraiment... Tu vois, je faisais même pas de bac, tout. Je savais pas c'était quoi, tu vois. Ok. C'était... Juste comme ça. C'est presque le même parcours que Booba, hein, si tu regardes bien. Ouais, ouais, à quelques trucs près, tu vois. C'est... Quelques petits détails. Voilà, tu vois. Mais bon. Si. Et aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que t'es toujours dans ce délire où, voilà, tu fais ça comme ça? Ou est-ce que tu ouais, as des là... projets ou, tu vois? Là, ouais, en ce moment, ça va, je suis motivé, tu vois. Ah, c'est dur, un peu... Je sais pas comment dire, tu vois. Genre, moi, j'ai... Non. Mais tu vois, j'ai un travail, truc comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois, genre, je côtoie des clients quand même importants, trucs comme ça, tu vois. Et genre, si demain ils me voient, tu vois, en train de faire des doigts d'honneur, des clabacs, trucs comme ça, c'est chaud à assumer, tu vois. C'est quoi ton travail? Tu bosses dans quoi? Des sièges de bureau, trucs comme ça. Ok. Ouais, donc, t'es vendeur, quoi. Ouais, voilà. C'est Genco. Mais tu sais qu'en vrai, dans l'émission, on a plein de gens qui vendent. Hein. L'autre fois, c'était école de commerce. Ouais, moi, je suis en licence, bac plus 3. Oh là là, mais là, quand même, tu vois. Si. Excuse-nous. Il n'y a pas que le rap dans la vie. C'est ça, non, mais tu vois, même vis-à-vis des profs, tout, tu vois, si demain, ils tombent sur mon clip, c'est... Tu vois, j'assume, mais c'est malaisant un peu, j'aime, tu vois. Pourquoi t'es pas fier de ce que tu fais ou de ce que t'as fait? Si, mais... Ça peut choquer, tu vois. Taf, toi, voilà, tu savais que tu faisais du rap. Ou moins, ouais. Tu vois, mais même toi, avec les enfants, un truc comme ça. Après, toi, tes textes, ça va, tu vois. Mais... Ouais, moi, des fois, je dis des... Tu vois j'essaie de me canaliser. Ouais, c'est... Je sais pas. Tu dis pas nique la police à toutes les phrases. Non, mais tu vois. Je vais libérer Fafa, c'est bon. Ouais. Si. Ouais, non, mais d'ailleurs, ouais. Fafa, il est libéré ou... Non, toujours pas. Ouais. Voilà. Ça fait, hein. C'était quand? Non. Si. Et des projets, alors? Est-ce que en ce moment tu me disais tu t'es remis dedans, donc tu refais des sons, Des clips? Ouais, là tous les mardis soirs, je vais au studio 3h avec DJ Bones à la maison de quartier de Morapon. Yes. Donc tu vois, on travaille des sons, trucs comme ça. Tu vois, ça prend un peu de temps parce que le logiciel il est pas top, tu vois, là-bas. C'est mon machin. Studio, ça. À la maison de quartier? Ouais. C'est mon studio. Il est bien le studio, bien aménagé et tout, il y a une cabine, tout, c'est bien. Donc voilà, tous les mardis soirs, j'avance sur des sons, je fais des projets, trucs comme ça. Et puis, je sais pas quand, tu vois, mais je pense que je vais faire un projet sur Apple Music, trucs comme ça, tu vois, que je vais sortir. Ok. Donc, on verra. Pas plus précis, quoi, pour l'instant. Ouais, c'est je pense c'est en élaboration. Septembre, trucs comme ça, tu vois. Ok. On verra. Si. J'ai téléchargé quelques sons à toi illégalement. Ouais, moi je télécharge fort. Si vous voulez des liens, les gars, j'ai des liens. J'ai un groupe Telegram. Des sons qui sont pas encore sortis, là. Ils sont pas encore sortis. Ouais, j'ai des contacts. Ah, t'as des contacts. Donc soit tu me passes un bif, soit je fais vas-y, tout. Vas-y, balance, voilà, c'est pas grave. De toute façon, ceux qui sont pas sortis, c'est qu'ils sont pas finis, pas bien. Donc, Si, ils sont finis, mixés et tout. Ah ouais. Ouais. Voilà. Je sais pas c'est quoi, Hein, tu sais pas c'est quoi, attends. Je te dirai après. Mais j'ai des contacts. Ok. Merci, Jonas, pour ces précisions. On va voir alors. On sait pas. Marche. Moi, ce que je propose, au lieu de dire neuf... Moi. Hein? Rien, roule. Ah, tu cherches le titre? Non, t'inquiète. Ok, tu vas retrouver. Ouais. Je vais passer un son en attendant, comme ça, t'auras le temps de réfléchir. Libérer Fafa. Ouais, exact. Voilà. Je vais passer carré 1. Ouais, ouais. Carré vas-y. 1, t'as fait le clip, il est sur, il est encore sur YouTube celui-là. Ouais, ouais, il est sur YouTube. Ouais, ouais. Donc c'est Carré Gradzino, clip disponible sur YouTube sur la chaîne Gradzino 25. Yes, c'est ça. J'étais petit, je jouais à Jibou. Maintenant j'ai taillé 10 balles. Je suis au quartier, je gradé à Haribo. Et dans ta vie, je rends dédicace. Eh, hey, stop, toi tu veux quoi? Je connais pas, alors barre ta tête. Mon collègue, t'a mis des doigts. Et mon frérot a des photos de ta schneck. Façon, je prends la bonne étoile. Je suis dans le money time. Et toi, on te nettoie. Le gamos, c'est en bon état. Je suis pressé, là, ramène la monnaie toi. Ara, je monte un étage. Je suis dans le bac et je fais du détail. Asseur, gros arrivage. 6h03, le gamos s'y taille. Y'a des haies, j'aimerais parler pas court. Cache ta tête devant la caméra. Dès que c'est fini, vas-y, mets le paquet. Et puis bon, parce qu'un caméla. Et toi, t'endors pas sur le tas. On se fait péter, on se revoit pas de sitôt. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que t'as? C'est pas la télé, t'es pas le Pacino. Au check, ouais, c'est le ciné. Y'a tous les matchs, y'a même les bonbons. Et là, je crois, je vais vriller. Mon côté match, mais il est pas bon. Un rat, je monte d'un étage. Je suis dans le bat et je fais du détail. À 6h, un gros arrivage. 6h03, le gamin aussi taille. Réveille à 8h, 9h devant le mur. Ni toi, assure, y'a pas les gyros. J'appelle les héros. J'ai le parco, je monte dans la voiture. Fais une chicha et passe-moi le duo. Poto, faut qu'on dette ça. Libérer la S, libérer l'héros. Libérer Fafa. Ouais, ouais, ouais. 9h devant le mur. Ni toi assure, y'a pas le giro, j'appelle l'héros, j'ai le paco et je remonte dans la voiture. Allume Chicha et passe-moi le tuyau. Poto, faut qu'on donne ça. Libérer la S, libérer l'héros. Libérer Fafa, ouais, ouais, ouais. Là je repars, petit Asics sur Red Ferrari. Petit gamo sur le black, vite teinté, je peux te rejoindre Paris. Et ça me fait délire, ton équipe elle me fait bien rire. Vas-y fais-en un, j'suis pas prêt d'atterrir. Et dans le rétro, pour te choix à l'époque, que des passagers y'a de la 09. Et poto, si en GF, j'dors. Tiens à ma mère, j'ai dormi chez ma meuf. Et là j'suis pas tout neuf, comme ma sourd, ouais j'suis sous le jackdaw. Les potos drague pas, y'a la gazeuse cachée sous le parka. On est sur le parking, donc vas-y bouge. Poto c'est le carré, ouais c'est le carré rouge. Ouais, ouais, ouais. Et rien n'a changé, toujours les mêmes plaques, toujours les mêmes têtes. Ouais, ouais. Et sur la même chaise, y'a Guigui qui pète son même teint. Ouais, ouais. Et les pas que, y'a rien pour vous, arrêtez de fouiller. Ouais on fait les fous, mais c'est à la canine, bah faudra tailler. Ah. Faudra tailler, faudra halbat, ouais faudra courir. Quand je quitte le quartier, à bout d'un canal, là je viens d'atterrir. Radio la 25ème, ah, je peux faire tous des les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-sud.net 101.8. Tu avais une question? Ouais, ouais, je peux faire des dédicaces. Bien sûr, allez, vas-y. Allez, alors là, on est dans la partie dédicace, c'est une nouvelle partie qu'on vient d'intégrer. Ouais, voilà. Merci, parce que tu sais quoi, on n'y avait pas pensé. C'est vrai? Ouais. Et on a un téléphone aussi, si jamais, des fois, il y a des gens qui veulent appeler. Ouais, donc, voilà, si les gens peuvent t'appeler, ouais, carrément, ouais. Tu vois. Nickel, vas-y, bah, dédicace déjà à Edgar, bon anniversaire Mouret, je t'écoute. Bon anniversaire Edgar. Voilà. À ZZ aussi, c'était son anniversaire hier. Bon Zizou. ZZ. Oh, voilà. Tu connais Zizou? À 18 rue de la Rotonde. À Paris. Attends. Lui, il dédicace des adresses. Ouais, c'est la place du marché. Ouais, c'est. Vas-y, c'est. Bah, vas-y, c'est des gens qui habitent là-bas. Et à Soso du Havre aussi. Voilà. Yes. Vas-y. N'hésitez pas à nous. Et je pense qu'ils nous écoutent sur radiosud.net. Je pense. Dans le Havre, ouais. Ouais. Et ben d'ailleurs, big up à tous les auditeurs partout, comme on dit, sous les porches, dans les voitures et sur les parkings. Et dans le Doubs aussi. Des histoires, voilà. Salaces. Voilà, des histoires salaces. Voilà. Merci de nous envoyer vos photos, vos vidéos, tout ça. On regarde, il n'y a pas de souci. Et libérez Fafa. Et libérez voilà, Fafa. Et libérez Franc-France. Bien joué. Voilà, voilà. Franc-France est ma mère. Voilà. Ok. Il demande de libérer ma mère, tu vois. Voilà, c'est nickel. Dans le plus grand des calmes. Donc revenons à Gradzino, émission spéciale jusqu'à minuit ce soir. Moi, j'avais des petites questions. Merde, je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire. Oh. Si, voilà, c'était un peu des réponses tac au tac. Je veux des réponses tac au tac. Ok, t'es prêt ou pas? Allez. D'un côté, t'as 1 million d'euros. Ouais. 1 million d'euros avec un titre R&B. Ouais. Ok. De l'autre côté, t'as 1 million d'euros avec un single, n'importe quel style. Ouais. Mais tu fais que celui-là. Ça veut dire que l'autre, tu peux faire ton single R&B, ouais. Mais après, tu peux continuer. Après, et... je peux pas refaire de rap. Si, après, tu refais ce que non, tu mais veux. L'autre option. Non, l'autre, c'est vraiment, tu fais un single, tu fais ce que tu veux, tu pètes 1 million d'euros. Ouais, dans tous les cas, il y a 1 million. Dans tous les cas, il y a 1 million. Ouais, bah, ouais, le deuxième où je peux continuer à faire du rap. Ok. Ouais. Parce que t'es sûr qu'après, tu vas t'y remettre ou t'as pas peur de plonger dans ton... Dans ton bail de R&B. Non, non, c'est. Non. Vas-y, j'aime bien écrire, enregistrer okay. Des sons et tout, donc ça me ferait chier d'arrêter, tu vois. Ok. Voilà. Si demain je te dis, il y a un label là de Paname qui m'a contacté. Ouais. Il te propose de signer, mais il faut que tu quittes ta vie byzantine, faut que tu sortes de chez toi, que tu prennes tes affaires et puis que tu ailles habiter à côté du studio là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais à Paris. Il y a hashtag là-bas, tout ça. J'ai des potes. Okay. Paris, c'est bien Paris. Ok, très bien. Si t'avais une question. Ouais, vas-y. La Kotak, hein, toujours. Hein. Ouais, la Kotak. C'est qui le rappeur byzantin que tu trouves le plus nul? Oh là là. Ah, je sais pas, en vrai. On dirait la liste était longue. Non, en vrai, je sais pas. Ok, d'accord. Je vais te poser la question autrement. Si ce rappeur que tu trouves le plus nul, parce que je sais que t'as un nom dans ta tête, là. Non, en vrai, non. Bon, bref, ouais, on est entre nous, t'as un nom dans ta tête. ce rappeur en question, dont ouais. Tu ne diras pas le nom, bien sûr. Ouais, okay, tu diras pas le nom. Il vient et te dit ouais, écoute, faut qu'on fasse un son, je te donne 10 000 balles. On fait le son, tu fais la pub, la promo, tout ça, tac, tac, 10 000 balles. Et il est nul à chier. Hein. Le son ou... Les deux, tout. Ah, je sais pas. Nul. Tu sais, j'ai besoin d'argent nul. Là, tu vois. Tu prends, tu fais quand même. Tu fais la pub, tout. Après la pub, c'est quoi? C'est que à Besançon ou toute la France? Tu partages dans tes réseaux. Ouais, je prends les 10 000 quand même. Tu le fais? Ouais. T'es un gars honnête. Ok, merci. Ah ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur. Allez, ta dernière soirée qui a mal fini? Tu peux censurer. Ouais. Hein, t'as le droit de censurer. Non. On met des bips. Vas-y. Dernière soirée qu'a mal fini. Il regarde tout le monde derrière. Apparemment, ça se finit toujours bien. Après, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut raconter la dernière soirée, il y a un micro. Il y a un dernier micro, les gars, s'il y a quelqu'un qui veut. Ouais. Ah, dis même pas ça, on va finir au Hebs, gros. Non, vas-y, tu sais quoi, on était posé dehors, tu vois, tranquille, on fait mini chat et tout. Et il y a un pote à nous, ça fait longtemps, on l'a pas vu tout. Il débarque et il me demande un service. Tu vois, il me dit, il y a moyen que tu me déposes tu vois, chez moi, tout comme ça. Du coup, je dis, vas-y, je te dépose, tu vois. Et au final, vas-y, il cherchait un gars, tu vois, il voulait, tu vois, d'en découdre avec lui, tu vois. Ah, d'accord. Et du coup. Il voulait lui dire bonjour. Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, vas-y, ça veut dire, au final, je l'ai laissé, tu vois. Il a fait ses bras, il m'a remonté, je l'ai déposé, ah, voilà. Ça va, je m'attendais à un truc. Non, ça va. Non, j'ai été calme. On s'est fait arrêter par les keufs. Lui, il était Géchard. On a fini. Non, ouais, pas. Non, il y a des trucs comme ça, mais. Vas-y. Allez, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Ok. On va se raconter cette histoire nous-mêmes. Ouais, voilà. juste, Chao, je te mets un petit thé, là, un petit temps mort. Ouais. Je vais te faire écouter 2-3 trucs. Puis on va. Sur moi, ouais. Bah, on va, je vais pas le faire sur lui. Vas-y, j'ai pas de moment, pas, t'es là. Si tu veux. C'est ton émission. Vas-y, allez, vas-y. C'est toi qui prends. Non, même pas. Là, je suis soft, mais il faudra que tu reviennes à la rentrée. Vas-y, pas de soucis. Il y a pas mal de trucs, le dossier est comme ça. Mais on m'a ligoté. Je te fais écouter 2-3 trucs. Vas-y. On en discute après. Ok? J'ai peur. T'es prêt? Non, même pas. Cool, on est entre nous. Allez, tu connais. Allez, c'est parti. Moi et mes sauces, on était ces petits gosses. En bas de la cité, pas un rond dans les poches. Que les grands aimeraient inciter. Business illicite, tout ça. On connaît pour ça les grands quartiers. Ouais, on écoute, on tombé, on se lance de ouais, temps. Vas-y, on y connaît que dalle, refait. On commence par un iPhone, un téléphone, puis quelques grammes. Je coupe, c'est la secrète. Ouais, j'enchaîne sur un deuxième truc. La blesse, cicatrice, comme plein de cash. C'est pas ce qui se passe ailleurs. C'est toi, arrête de me regarder comme ça. C'est toi. Afrique, c'est un pote, ça. Prêt, pas manger. Ah, si. Juste là, protégé de la famine, de toutes ces maladie qui traîne. C'est pas que là-bas pour la nourriture les gens saines. C'est pas que alors, la fin, c'est une gloire. T'es grillé, mec. Qu'est-ce t'en penses maintenant? Ah, c'est un petit gueule tout ça. Qu'est-ce t'en penses maintenant? Qu'est-ce t'en penses? Ah. Qu'est-ce t'en penses maintenant? Quand tu réécoutes maintenant. Ouais, en vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu vois, j'étais petit, tu vois. Ouais. Normal, je lisais un peu nep, j'étais pas trop dans les temps et tout, tu vois, mais après c'est. En vrai, j'assume, tu vois. Je l'assume. Ouais, en vrai. Et t'en penses quoi avec du recul là? Ouais. Je sais pas, tu sais, j'étais. Enfin. C'est pas une réponse, j'étais petit, gros. On a tous été petits. Ouais, mais. Bah déjà, il t'a dit j'assume déjà. C'est... Bah ouais, ah, non, mais j'assume, non, tu vois. Non. Il aurait pu se cacher. Ok, ok. Vois. Il peut pas se cacher, c'est lui. C'est vrai. Mais on peut en discuter, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, tu vois, après, je disais un peu nimp dans les paroles, tout comme ça, tu je vois. Je parle pas textuellement, je parle dans la forme. J'étais pas trop dans les temps, tout ça, mais ouais. Vas-y, c'est un début à tout, tu vois. Même de rapper sur des sonneries de téléphone. Téléphone. Parce que ça ressemble quand même à une sonnerie de téléphone, ton histoire, là. Ouais, c'est vrai, c'est quoi, l'histoire du son? Le son, il devait pas être sur cet astro et tout, à la base. Bah, mais au final, il a fini comme ça, tu vois. Mais c'était avec eux, quoi. C'était avec Kirikou et T2i, je crois, un truc comme ça. Ok. Peut-être bien, ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'étais en fait, j'étais avec Kirikou en scout, tout. Et t'as enregistré ça en scout? Non, tu vois, et il m'a dit, vas-y, viens là. Ouais, je le sens là. Ouais. Et vas-y, il me dit, viens, on va chez un pote à moi, il a un studio, un truc comme ça, faut que je pose un son, je sais pas quoi. Du coup, après, on est allé, tu vois. Et au final, vas-y, ils m'ont dit, il y a une instru, venez, on essaye de faire un truc ensemble, tout, tu vois. Vas-y. Puis voilà. Même à la base, il devait avoir le clip, je crois, mais il est pas sorti. Heureusement, à côté, après, tu vois. Après, vas-y. Ce que j'aime bien. Si t'as bien cherché, normalement, il y a des clips. Oui, pires, t'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas. On l'a cherché. Ne t'inquiète pas, j'ai des trucs. Mais on m'a dit, non, il y a que 30 minutes. Vas-y, cool. Ouais, après, ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'as tout laissé, tu vois. Il y en a qui effacent. Ah, il y en a plein. Il y en a plein qui effacent, tu vois. Ouais. Il y en a qui sont passés là, j'avais des trucs sur eux, quand je recherche, il n'y a plus. Mais toi, il y a tout, tu vois, il y a même des bêtisiers, tout ça. Ouais, des bêtisiers où je fais le moulin. Ouais. Des moulins, des freestyles sur l'instru de la fouine et. Ouais, et ça c'était fou. Ça, ouais, c'est fou. On en reparlera. Ouais, après, je trouve ça bien aussi. Tu vois, peut-être dans 20 ans ou je sais pas quoi, mais tu vois, il va taper ça, il va taper des barres. Bah tu vois, ouais. Tu diras pas, mais elle est où la vidéo? En vrai, tu vois, j'aurais eu 20 ans, tu vois, j'aurais fait ça, j'aurais eu 20 ans, un truc comme ça, tu vois, j'aurais dit c'est chaud. Ah, oui, j'avais 11 ans, 13, 12 ans. Mino. Ouais, voilà, normal. Tu vois. Normal. Bien sûr, je t'encourage à le laisser. Moi. Ouais, bah, de toute façon, maintenant que tu les as. Il te dit ça, je suis sûr, il a déjà fait une copie CD, clé USB. Il a le disque dur avec il a gravé les bails, il a tout fait. On va se revoir. Voilà. Il est 22h32. J'avais un son, je crois que j'ai encore deux sons à toi à faire passer, si je me trompe pas. J'avais Wes Alfait. Ouais. Je fais quoi? Je le balance direct, hein. Ouais, voilà, mais ça le fait, si tu veux, c'est avec RDZ, avec Alan. C'est ça. On l'a fait. Il est pas là. Non, il est pas là. Non, il est pas venu, ouais. On l'a fait avec DJ Bones. Ok. Donc au studio, tu vois. Il est en prémix, là, il est pas tout fini, etc., tu vois. Ouais. Mais bon, en fait, j'ai un studio chez moi, il est venu. Et vas-y, il avait le son, tu vois, il restait un couplet, j'ai dit, vas-y, je complète. Puis au final, voilà, tu vois. On va sûrement faire le clip au Play Arena. Ok, d'accord. Exact, tu vois. Après, c'est on verra. On verra ce que les gens en pensent du son, un truc comme ça, tu vois. Ok. Alors c'est Gradzino, Wes Alfait avec RDZ dans la 25e. Yes. Hey. Gradzino, RDZ. J'suis posé au check. La bac qui tourne. Hey, y'a la bac qui tourne. J'suis posé au check. Y'a la bac qui tourne. Hey, y'a la bac qui tourne. J'suis posé au check, ça la bac qui tourne. En haut du bac, y'a l'écran qui tire. Tu fumes la frappe, t'as la tête qui tourne. On descend en tram, visser les hippies. On fait le job et dans la caisse on fait les fils. Ils veulent nous tester mais on les stop. Je mets un but de la tête à la Umtiti et ça paye. Dans la TC Call of, les Schmitt nous pète, j'ai niqué le collant. Tu fais le mec, tu grattes des carreaux. Mais t'es en S, ouais, rien d'étonnant. Depuis que je suis petit, je veux niquer le game. Mais dans ce game, que des patatas. Je suis dans le check sac plein de terre. Donc crie Ara si la bac attaque. Si la bac attaque, bac attaque. Crie Ara si la bac attaque. Ouais ça le fait, t'écoutes mes sons, tu lances des pics. Ouais ça le fait, j'suis dans la tête, j'fais du liquide. Ouais ça le fait, tu critiques, mais bon tu cries. Ouais ça le fait, ouais ça le fait. fait, ouais ça le fait, ouais ça le fait, frangin ça le fait. Je sais pas qui c'est, elle veut un selfie. Je ne suis pas celui qu'il te faut. Comme tes implants, toi t'es faux. Sans plus de ça, tu grattes l'amitié. Viens pas me coller, tu fais pitié. Sur Insta, tu cours derrière les likes. J'espère que t'as des bonnes Nike. On m'écoute jusqu'à la croisette. Jusqu'à la croisette, Bastos m'appelle pour un plat Arena. Je suis dans la surface comme la caselle. Ouais, ça le fait, j'ai besoin de personne. Non, non, non, non. J'ai besoin de personne. Toute la nuit, rien qu'on zone. Prêt, prêt à tout pour la somme. Prends ton bif, on se barre de là. Fumée épaisse, je suis plus là. En fila, c'est qui cette fille là? 3-0, je te mets sur FIFA. Ouais, ça le fait. Ouais, ça le fait. T'écoutes mes sons, tu lances des pics. Ouais, ça le fait. Ouais, je suis dans la tête, j'ai du liquide. Ouais, ça le fait. Tu critiques, mais bon, tu cries. Ouais, ça le fait. Ouais, ça le fait. Ouais, ça le fait. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vous êtes toujours dans la 25e. On enchaîne avec Carré 2 de Gradino. Restez branchés, après on envoie la session freestyle jusqu'à 23h. Chaud, chaud, chaud. Radiosud.net 101.8. Sur les champs, dans ta ville ou à Genève, ton équipe que il blablate, que il parle, que il chaîne. On vient de la tête, on fait le job. Frérot, on fait le pain, on veut des Cayenne, des Gamos. Alice dans un Philippin, ouais, ouais, ouais. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radiosud.net 101.8. Yeah, yeah, yeah. Vous êtes toujours dans la 25e jusqu'à minuit, tous les jeudis soirs. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur 101.8, Radiosud.net. On est dans l'émission spéciale Gradino ce soir qui est venu. Ouais, ouais. Il vous a préparé un petit freestyle, donc je vais essayer de. Décourter le plus vite. Voilà, je vais me pousser très très vite. Wow. Là, il y a les caméras qui s'installent tout doucement. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a la vidéo de LDDRK qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, etc. etc. On est ensemble. Un petit mot avant de freestyler, t'es chaud, c'est comment? Ouais, ça va, hein. Vas-y, il y a des textes que j'ai écrits il y a 6 mois, il y a des textes que j'ai écrits hier, tu vois. Ok, il n'y a pas de souci. On verra, tu vois, mais normalement, de toute façon, s'il faut pull-up, on pull-up, voilà. Voilà, voilà. Et grosse dédicace à Ashraf, que j'ai oublié tout à l'heure. À qui? Ashraf. Ashraf, il a Paname, tout ça. Ok. Vas-y, c'est parti. L'ordre, c'est bon ou pas? Normalement, c'est bon, mon ami. Parce que, attends, je voulais attendre les autres, mais ils sont pas là. Commence par Stézé. Attends, là, 3, deux secondes. Hop. On va commencer. Ok. C'était Z, la 3. J'ai fait les bacs dessus. Donc, c'est parti. Ouais, c'est bon, vas-y. Chaud. Ok, session freestyle avec Gradzino. C'est parti dans la 25e. Chaud. La 25e, Gradzino dans la maison. S'il y en a qui veulent faire les bacs, vous pouvez venir, les gars, autour. Hein. Pas de soucis. J'allume les micros. Poteau, je suis pas fils de roi, je grandis sans daron. Pas de Gennaro ni sans bleu, je suis plutôt chiro. Qu'est-ce que tu bats le naf, toi dans la tête c'est pas rond. Ça crie à Raya les bleus et nous partirons. Bébé nous partirons. Mais prends pas la confiance, mon amour n'existe plus. Ouais, tout comme mon enfance, c'est dans la tête, j'ai trop traîné. J'ai crié y'a les six, je pensais à partir dans les îles pendant que maman faisait la lessive. Mais c'est pas ça la vie. Et puis un jour je me reprendrai. Fais confiance à tes amis. Ça c'est ce que disait mon père. Pour réussir dans la vie. Un bon million ça m'aiderait. Pour l'instant je fais des jeans. On verra demain, eh. Eh, gros, je suis à la tête. À la tête. À la tête. Gros, le matos est dans la caisse. Et dans la tête. Normal, ta testo. Gros, c'est l'esthésie. Je vais envoyer. Rafale. Bang. Auto, on est pressé. Eh, je suis seul comme un chiro. Gros, je suis à la tête. À la tête. Gros, le matos est dans la caisse. Renvoie ta testo. Gros, c'est l'esthésie. Je vais envoyer. Rafale. Eh, auto, on est pressé. Je suis seul comme un chiro. Les hommes, gros, c'est de la merde. Ouais, donc ramène-moi les love. Quand les intérêts ouvrent leur gueule, les sentiments perdent la parole. Ouais, c'est comme ça dans ce monde. Il vaut mieux traîner seul. Et comme disait mon père, mon fils fait confiance à personne. Et je réfléchis depuis un moment. Je fais du rap sans m'afficher. Tu me verras un son par an. Pourtant j'écris toute l'année. Et c'est la honte devant maman quand elle me voit sur les clichés. Je passe mes nuits en studio. Mais je parle pas trop, je reste discret. Mais c'est pas ça la vie. Et puis un jour je me reprendrai. Fais confiance à tes amis. Ça c'est ce que disait mon père. Pour réussir dans la vie. Un bon million ça m'aiderait. Mais pour l'instant fais des tests qu'on verra demain si je t'ai peur. Gros, je suis à la thèse. À la thèse, gros, le matos est dans la caisse. Remballe ta testo, gros. C'est l'esthésie. Je vais envoyer rafaler. Poto, on est pressé. Je suis seul comme Chiro. Gros, je suis à la thèse. À la thèse. À la thèse, gros, le matos est dans la caisse. Et dans la caisse. Remballe ta testo, gros. C'est l'esthésie. Je vais envoyer rafaler. Poto, on est pressé. Je suis seul comme Chiro. À la thèse, gros. Prends pas ta testo. Gradzino. Je vais envoyer rafale. Bang. Envoyer rafale. Bang. Envoyer rafale. Eh eh. A la thèse gros. A la thèse gros. Prends pas ta testo. Je vais envoyer rafale. Je vais envoyer rafale. Eh. Envoyer rafale. Eh. A la thèse. A la thèse gros, le matos est dans la caisse. Remballe ta testo, gros. C'est l'esthésie. Je vais envoyer rafale. Poto, on est pressé. J'suis seul comme Chiro, gros. J'suis à la thèse. À la thèse, gros. Matos est dans la caisse. Et dans la caisse. Remballe ta testo, gros. C'est l'esthésie. Je vais envoyer rafale. Poto, on est pressé. Bang. J'suis seul comme Chiro. Gradzino dans la 25ème. Ouais. Session ouais. Freestyle. On enchaîne. Edgar Ashraf, les Rey. Ouais, dédicace à Cédric, hein. Sur la route. Carboné, ouais, le sang, ouais. Eh hey. Hey, poto, passe-moi le mic, hein. Poto, passe-moi le mic, j'ai besoin de me vider un peu. Esprit paranoïaque, j'fume le rap, j'écoute la beuh. Des fois, je regrette un peu sur mes textes, plein de ratures. J'active depuis petit peu cette putain de littérature. De rip, c'est bien temps. Tremper ma plume, j'garde le sang-froid, j'échauffe des cœurs. T'es mal à température, tempérament discret. Élevé à la dure, mais je remercie papa. Jamais goûté les coups de ceinture, en fait. Qu'est-ce que je disais qu'autour de moi, un peu secret. Bouge la teuté, mon rap t'a hypnotisé. Pas besoin de teaser, j'écris mes rimes en deux secrets. Essaye pas de m'appeler, j'suis au studio, faut que j'progresse là. J'taffe mon projet, dans le futur, j'me projette. T'aimes ce que je fais le 1er septembre, mon sur check. J'espère t'as bien retenu la date de mon opus. J'suis pour le rap, je vais freestyle dans le bus. Et j'entends parler sur moi, mais mon pote, moi peu importe. Écrivez parler sur moi, du moment que le buzz rapporte. Si tu kiffes, tu rentres chez moi. Sinon, Ray, tu prends la porte. J'suis rap pour le show. monsieur K. Ray, je te l'accorde et je pense à Naïm et Cruel. Le temps c'est pas écoulé. Ma musique, je vais écouter. Pour chez les types de couler. Sur moi, ils veulent viser. Car dans le rap, j'ai tout misé. Je suis chaud comme le magma. Je fais peur comme une croix gammée. Je veux la clé de seul. Pour l'instant, j'ai le porte-clés. Proche de personne. Y'a que les profs qui me collaient. Je me suis fait seul. Ouais, Ray, tu me connais. S'ils te questionnent, dis-leur pas qu'on s'est croisé. Eh, hey, ça et ça repart. Je sais que t'assumes pas. Mais mon Ray, si tu reparles, on viendra fouiller ton appart. J'ai traîné dans le pâte. Pas tiré vers le bas. Pas pour le stand que j'ai vendu des armées. Touché de la camé. Je sais ce que je dis. Ouais, poto, j'étudie. Je connais des figures de style ainsi que l'histoire de Gandhi. Ouais, poto, réfléchis. Car nos vies est horrible. La France est horrible. Elle aime pas nos racines. Et ouais, je me renseigne. Car dans eux, trop de vis. Font les gangsters à mes yeux que des novices. Veulent rouler en assises. Par de cours des assises. Moi, je veux mon pif. Mon nom sur toutes les affiches. Bang. Chaud. Grazino. Ouais, ouais. Chaud. Bang, bang. Allez, allez. Allez, allez. Je fais quoi? Je fais couler ou carré, je fais la... carré? Carré, allez, on renvoie le carré directement. Le carré d'as. La 25ème, t'inquiète pas, on est chaud. Session freestyle. Ouais, ouais, dédicace au petit Max, STC. Ouais, ouais, ouais, petit Max. Eh. Hey. J'étais petit, je joue à Jibou. Maintenant je détaille des 10 balles. Je suis au carré, je crée des Haribo. Et dans ta ville, je rends dédicace. Eh hey, stop, toi tu veux quoi? Je te connais pas, alors barre ta tête. Mon collègue t'a mis des doigts. Et mon frérot a des photos tâches neck. De toute façon, je crois la bonne étoile. Je suis dans le money time, mais ton honte nettoie. Le gamo, c'est dans bon état. Et je suis pressé, la ramène à mon étoile. Arrache, je monte un étage. Je suis dans le bat et je fais du détail. À 6h, il croit arrivage. 6h03, le gamo qui taille. Y'a tes haches, après parler Paco. Cache ta tête devant la caméra. Dès que c'est fini, vas-y, mets le pas. Et puis bon, bam, parce que la caméra. Et toi, t'endors pas sur le tas. On se fait péter, on se revoit pas de sitôt. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que t'as? C'est pas la télé, t'es pas le Pacino. Go check, ouais, c'est le ciné. Y'a tous les matchs, y'a même les bonbons. Et là, je crois, je vais vriller. Mon côté match, mais il est pas bon. Arrête, je monte d'un étage. Je suis dans le bat et je fais du détail. À 6h, et gros arrivage. 6h03, le gamos qui taille. Dis-toi, assure, pas le giro. J'appelle l'héros, j'ai le paco, je remonte dans la voiture. Fais une chicha et passe-moi le tuyau. Poto, faut qu'on dette ça. Libérer la S, libérer l'héros. Libérer Fafa. Ouais, ouais. Libérer Fafa. Dis-toi, assure. Eh. Yeah, yeah. Carré 2. Deuxième couplet, carré. Deuxième couplet. Vas-y. C'est parti. Et puis là je repars, petit Azik sur cette Ferrari. Petit gamin au sol black, vite un T, je pète une joint de Barry. Ça me fait délire, ton équipe elle me fait bien rire. Vas-y fais-en un, je suis pas prêt d'atterrir. Et dans le rétro, pote, je vois les portes. Côté passager, y'a ta 09. Et pote aussi en j'ai after, dis à ma mère, j'ai dormi chez ma meuf. Lâche pas tout seul, comme Master, ouais, je suis sous Jagda. Et pote, t'inquiète pas, la gazeuse, je reste sous le parka. On est sur le parking, donc vas-y bouge. Pour tout c'est le carré, ouais c'est le carré, le carré rouge. Ouais ouais ouais. Toujours les mêmes tâches, toujours les mêmes têtes. Et sur la même chaise, y'a Guigui qui pète son même terre. Et les bacs, y'a rien pour vous, arrêtez de fouiller. On fait les fous, si y'a la canine, bah faudra tailler. Faudra tailler, faudra halbat, ouais faudra courir. Rouge que le quartier, ta canal, là je viens d'atterrir. Nito assure, pas le giro, j'appelle l'héros. J'ai le paco, je remonte dans la voiture. Fais une chicha et passe-moi le tuyau. Poto, faut qu'on dette ça. Libérer la S, libérer l'héros. Libérer Fafa, ouais ouais ouais. Allez, carré 2 maintenant, hein. Hey, thanks. À la 25ème. Chaud patate, Grazino. Pour maman, je veux l'évoque. Pour le quartier, le pousse carré. Yeah. Grazino dans la maison. Banks. Maman, je veux l'évoque. Pour le quartier, le bousca carré. Pour papa, le disque d'or. Premier qui parle, je veux le démarrer. Et poto, passe dans ma rue. Tu vas croiser des grands tarés. Du chiffre d'affaires et du grabuge. Manque de volume quand t'arrives. Je veux les sièges, elle cantara. Les 19 pouces sur le RS6. Faisais le rap, la comptara. Se passer au JT sur M6. Je veux une villa en Alaska. Puis une deuxième dans les îles. Mais une fois que j'aurai tout ça, le but c'est de revenir ici. Car les poto, moi je veux les sous. En vrai, je m'en bats. Les couilles du buzz, pas un tabac. De Grégousse quand je rappe mon S, puis sors tout seul. Surveille ta soeur dans le golf, c'est terre, elle veut que j'ai le pied contre le sol. Je m'invite, je prends des risques comme mes cagoulés dans le sous-sol. Bang! Ouais, ouais. Pour maman, je veux l'évoque. Pour le quartier, le bousca carré. Papa, le disque d'or. Premier qui parle, je veux le démarrer. Hey. Pour maman, je veux l'évoque. pour le quartier, le bus qu'à carré. Pour papa, le disque d'or, le premier qui parle, je vais le démarrer. Eux, ils parlent, ils sont relous. Dans la tête, ils sont pas là. La montre, ils sont pas l'eau. Des thunes à faire, je monte sur Paname. Ashraf. Lacha et Edgar, on est là. Pour maman, je veux le évoque. Quartier, le bousca carré. Pour papa, le disque d'or, le premier qui part, je vais le démarrer. Eux, ils parlent, ils sont relous. Et dans la tête, ils sont pas là. La montre, ils sont pas l'eau. Des thunes à faire, je monte sur Paname. Pour maman, je veux le évoque. Pour le quartier, le bousca carré. Pour papa, le disque d'or, le premier qui part, je vais le démarrer. Eux, ils parlent, ils sont relous. Et dans la tête, ils sont pas là. La montre, ils sont pas l'eau. Des thunes à faire, je monte sur Paname. Et en fait, passe au carré. Ça m'appelle Tocar, pas Gradino. Et en fait passe au carré, ça m'appelle Tocar pas Gradino. Croise-moi là-bas ou au studio, j'y suis tous les jours quasiment. J'arrive dans le rap et je leur fous le seum, que perdre des sous au casino. Et tu verras dans le prochain son, je te parlerai des îles Caïmans. Mais je veux percer, j'ai pas le choix, je me vois pas rapper toute la vie. Je veux des showcases et des showcases pour mettre bien toute la famille. Je suis au DB, je prends un kawa, je me pose, je suis au rami. Je suis dehors, je regarde au loin, je m'évade et je suis pensif. Et en vrai depuis carré 1, je me dis que tout ça est passé vite. On s'est fait péter, ils ont mis la cam seulement quelques jours après le clip. Tribunal, arrestation, le sursis, les courses poursuites. Nique sa mère, je suis au studio, là le carré 2, j'écris la suite. Bébé Banks Gradino, la 25ème. Ouais. Aïe aïe aïe. Freestyle show. C'est le carré 1, c'est le carré 2. On enchaîne ou quoi? Ouais ouais, la 5ème là, c'est ça. Non, c'est la 25ème ici. Ouais, la 25ème. Gradino. Allez, j'ai écrit ça hier, rien écrit. Barry dans la maison. Le carré dans la maison. Yeah. Ouais, là, ouais. Je suis à Radio Sud, hein. Vas-y, remets, pull up. Pull up. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, tu vois, c'est je bon, veux ça dire fait, pas. Ça fait. Ouais, tonton. Ouliamab. Ouais, ouais. Gradino. Là, je suis à Radio Sud, hein. Hey, hey, hey. Là, je suis à Radio Sud, entouré de mes rages, lâche un freestyle de malade et j'en place une à lâcher dans le sud. Au frérot Alex qui est en béquille à Paname, tu peux nous critiquer, nous potos on assume. Le seul objectif, nous, c'est faire la mala. Et là, y'a tout le carré dans le sud. Là-bas que nous cherche, mais nous on n'est pas là. Non, non, non, non. Tu passes sur l'album, tu vas rire et pleurer. Ouais, poto, c'est as comme y'a ma haine et ma rage. Un peu dans chaque stroke, je veux un pack et d'oseille. Moi, poto, je veux le pactole. Non, je suis pas dans vos codes, pas dans votre rap game. Je ne suis pas de ces hommes qui diront fuck le système. Mais moi, nos rappeurs, c'est toi que c'est au large, je sais pas si t'as capté. Gradi, c'est au carré, poto, c'est la crise. Poto, c'est la crise. Ils veulent la monnaie à perdre leur temps. Et regarde ces actrices, regarde ces actrices. Loue des Bentley et dorme dedans. Poto, j'en ai marre, tout joué sur la piste. Du sky pur, pas de diluant. 6h du mat, je dans les stars qui ara ara, tout le monde part en courant. La 25ème, la 25ème, bah tout ouais. Le monde dit c'est la 25ème. La 25ème, la 25ème. Tout le monde dit c'est la 25ème. Bah la ouais. 25ème, la 25ème. Tout le monde dit c'est la 25ème. La 25ème. Tout le monde dit c'est la 25ème. Aïe. 101.8 pour m'écouter à la radio, hein. Hey. 101.8 pour m'écouter à la radio. 101.8 pour m'écouter à la radio. 101.8 pour m'écouter à la radio. 101.8 pour m'écouter à la radio. 101.8 pour m'écouter à la radio. Tu vas bouger les oreilles et la tête entre autres. Vous êtes tous les bienvenus, y'en a pas en trop. Ouais, entre dans mon monde, ouais, c'est moi le patron. Y'a pas de con, y'a que des amis. T'es en train d'écouter, t'es un bon ami. Augmente le volume, si t'es au feu vert. Si tu veux le céder, passe me voir, c'est offert. Pour tous c'est la guerre, pour tous c'est la guerre. J'aimerais avancer, mais je suis perdu. Et je repense à mon père, je repense à mon père. J'avoue, c'est hyper. Hyper dur, j'ai gratte des lignes, je jette des verres. Poto, un jour je ferai la une. En attendant, je m'allonge par terre. Je trouve l'inspi en regardant la lune. La 25ème, la 25ème. Là c'est Gradi sur la 25ème. La 25ème, la 25ème. Ciao sur la 25ème. La 25ème, 25ème. Radio Sud c'est la 25ème. 25ème, 25ème. C'était mon freestyle sur la 25ème. Bébé, bang, bang. Gradino, merci mon poteau, lourd. Si, merci à lourd, vous. Lourd le freestyle. Si. Merci. Est-ce que tu peux nous redire sur quel réseau on te retrouve? Ouais, Gradino 25, Instagram, Snapchat, YouTube. N'hésitez pas à aller voir les clips. Il y a pas mal de clips aussi. Allez, visionner ça. Ça arrive aussi, d'autres clips arrivent. Yes. Voilà, on est ensemble. Hein. Si, si, merci d'être passé. En tout cas, merci les gars d'être venus. Merci à vous. Partez hein. pas, on va faire une grande photo là. Partez pas. Allez, allez, une grande photo. On va faire avec une la grande photo. Famille. Avec la grande famille. Les auditeurs, ne quittez pas. On vous laisse un petit peu de son, le temps de faire une photo. Et après, on passe dans la deuxième heure. Cool, cool. C'est l'émission spéciale Gradino qui s'achève. Big up. Fantastique, je voulais te couvrir de cadeaux, d'offrir ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment. Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent. Si on m'arrête, j'en prends facile pour 20 piges. Trop tard pour faire machine arrière, maintenant qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis dépassé par les événements, sans le vouloir, j'ai tiré sur des gens. Sur mes mains, j'ai du sang, dorénavant, rien ne sera plus comme avant. Je suis vraiment désolé du tort que ça va te causer. Les flics vont venir poser des tas de questions sur moi, ils vont pas te lâcher. Je voulais ton bonheur, finalement, c'est des ennuis que je t'apporte. Je pense pas m'en sortir, tu vas te retrouver seul, faut que tu sois forte. De toute façon, je supporterai pas la prison, je supporterai pas d'être enfermé, je deviendrai fou, je pèterai le plomb. Je te le répète, je voulais te voir sourire, t'entendre rire, je voulais plus te voir trimer. T'es prêt à tout pour te faire plaisir. Pardonne-moi de ne pas avoir été le mec idéal. Pardonne-moi de ne pas t'avoir sorti de cette vie banale. Pardonne-moi mes erreurs, je te le demande du fond du cœur. Pardonne-moi de ne pas avoir été capable de faire ton bonheur. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais te couvrir de cadeaux, d'offrir ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment. Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent. Cette fois ça y est, je crois que je t'ai tout dit. Cette fois ça y est, je crois que c'est fini. Je voyais ça autrement, mais mon histoire s'arrête ici. Je voulais que tu comprennes à quel point je t'aime, combien j'avais de la peine de te voir bosser, trimer. Moi je voulais que tu vives comme une reine. J'étais peut-être trop gourmand pour nous, je voyais la vie en grand. Je pouvais plus perdre mon temps à bosser pour un salaire déprimant. Tu vas me manquer, j'aurais souhaité te serrer dans mes bras une dernière fois. J'espère vraiment que tu me pardonneras. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais te couvrir de cadeaux, d'offrir ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment. Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent. Radio Sud. Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla. Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen. Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé. Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir. Tu recuerdo me sigue, me maltrata más, me persigue. Dejo que el que más me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue. Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di. Después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir. Tu recuerdo me sigue, me maltrata más, me persigue. Dejo que el calma me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue. Sigo pensando en ti, en todas las veces que te prometí y nunca cumplí. En todas las veces que te ponía bonita para mí. En esos momentos cuando llegaba la hora de dormir y tu alma siempre sobre mí. Y no se me pasa, no te supero. Solo en mi casa siento que muero. Tengo la plata y tengo el dinero, pero no el corazón de acero. Por favor vuelve más, yo te espero. Lo que sea te espero. Tú eres mía desde tercero, desde que me prestaste el lapicero. Yo que pensaba que podía vivir sin tenerte en mi vida. Ahora me encuentro sufriendo, no puedo con esta agonía. Pensándote todos los días, la calma sin pena castiga. Me paso llamando a tu amiga, a ver si te hostiga y te obliga. Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di. Después que te jodí, Yo quise llorarte, mentí de sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata, mal me persigue. Dejo que la calma castigue. Tengo frío, no hay quien me abrigue. Todo fue mi culpa. Yo te hice mal. Fue mi culpa. Yo te hice cambiar. Yo no sé si algún día tú me quieras perdonar, pero aunque tú lo hagas, yo nunca te voy a olvidar. Sé que sufriste, yo también lloré. Te convertiste en otra mujer. Ya tú no eres la misma, eres fría al parecer. Que los sentimientos a tu corazón no van a volver. Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla. Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen. Todos me culpan a mí, hasta tu familia.